Selon une notice de Corée du Sud du 21 courant, a eu lieu la chute d'un avion de combat Hornet FA-18 à bord du porte-avions nucléaire américain Carl Vinson qui s'orientait au barrage de la péninsule coréenne. L'avion qui était en mission est tombé dans la mer lors de son essai d'atterrissage.